Vendredi 16 décembre 2016, monte le volume et hume la différence, c'est parti, mes chéris! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Vous! Bonjour. Bonsoir, plutôt. Ça commence assez, hein? Wow! What am I on you? Wait, hey, whoa! What a move! On l'a fait. On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait, on a tout fait. Tout fait, tout croche. Heureux en parlant de tout. Heureux de vous voir. Moi, j'ai tendance à voir avec l'oreille. J'ai l'oreille qui observe toute formule auditive. Toute structure sonore. J'ai l'oreille incapable d'attendre le silence. Elle doit elle-même émettre s'il n'y a pas un son ici ou n'importe où où mes pas m'amènent. Excusez-moi, j'étais en télécommunication. Avec la fréquence improvisation. Improvisation. Mon asthme va très bien. Ma gonorrhée aussi. Pardon? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je fais pas d'asthme. Bon. Ça, c'est des textes qui m'intéressent. C'est des bouts de chandelle que j'allume. Et on va bien voir si la lumière se représente. Et on ne sait jamais. Le feu peut naître et l'incendie à Rio sans se faire entendre. Se faire entendre. Vous vous tirez sur le piédestal. Tout ça, c'est de mon cru, là. Qui l'eût cru, le père Lustiglu, avec la même Michel, j'en ai pas perdu sur les du tralalala. On le sait, je le sais, je le sais, je le sais, je le sais, je le sais, je le sais, que c'est devant cet Amsterdam, je le sais aussi. C'est dommage de tout savoir comme ça, hein? Les Tidio connaissants, Tidio, Titi, Titi, Titi, Titi, Titi, Titi, Titi, Titi, Titi, Titi, Titi, Titi, Titi, Titi, Titi, Titi, Titi, Titi, Titi, Titi, Titi, Titi, Titi, Titi, Titi, Titi, des petits connaisseurs, là. Ça, tu le vois. Ils ont une physionomie. Si tu peux repérer quand même, là, si tu as le senseur bien aiguisé, bien allumé, parce que moi, j'ai eu un problème, moi, je vais vous expliquer. J'ai eu un problème avec mon senseur. Et puis, je suis allé au spécialiste de l'aiguise. Celui qui se l'aiguise régulièrement, là, qui se la passe dans le... Quand c'est bien pointu, là... Bah! Bah! Bah! Hein? Ça va dans les bars, puis... Bah! Comment ça va, toi? Bah! Fais profil. Bah! Oui, c'est moi! Tous les soirs. Tous les soirs! Il sort dans les bars. Bah! Alors, je suis allé voir ce genre de personnes. Puis lui, ben écoute, il est réputé pour vraiment là, redonner vie. Il redonne vie, puis s'il ne redonne pas de vie, s'il ne recrée pas, s'il n'est pas capable de donner du coupant, mais il ne rembourse pas. Puis il ne va pas plus loin, sinon lui, il ne coupe pas le cheval en quatre. Il ne tranche pas sur le rabais. Il ne coupe pas. Il est quand même assez impatient. Donc, lorsque tu arrives là et que tu n'es pas satisfait, tu te retournes et tu quittes sans trop parler. Même la police ne veut rien savoir. Tu sais, c'est le genre de gars là, que les forces constabulaires le connaissent. La force constabulaire le connaît. Un vrai, là. La stime, il sort par les oreilles, là. Pas des yeux qu'il y a, là, c'est des canons, là. Est-ce que je peux vous servir, là? Oui, excusez-moi, c'est pas affûté, ça. Moi-même, je suis pas très intelligent, je suis pas affûté. Mais venez-vous, ce qui est autour de moi, c'est pas très affûté non plus, hein? Ça coupe pas grand-chose, Oui, je procède. Est-ce que j'ai le droit de vous faire un préambule de ce que je vous amène, puis ce que je vous aimerais avoir en garantie? Tu garantis rien. Bon, ben écoute, je peux te laisser mon... Oui, avec un montant d'A. Puis vous pouvez perdre mon... Puis vous n'êtes pas responsable de... Bon. Alors, je crois que je vais revenir parce que non, je suis très pressé, moi. Je commence plus tôt que d'habitude, hein? Je travaille pas aujourd'hui, mais on va te dire que je travaille. Comment ça que la porte barre de l'intérieur? On peut rentrer, mais on peut. C'est comme une voiture de police, là. C'est, tu sais, quand on t'enferme, là, dans. Ça m'est jamais arrivé, voilà, là. Hey, moi, je suis un nain capable. Et lorsque ça m'a déjà... Je me confesse. Une seule fois. C'est bien sûr une grave erreur de leur part, là. Parce que j'avais perdu... Vous savez que... Ben, vous savez, je vais vous le raconter. Peut-être que je l'apprendrai là sur le tas. En parlant de tas, il y a une senteur, hein? Ça sent le oui. Ça sent le... ça sent le... hein? Ça sent... Ça sent quelque chose, là, d'indéterminé. Déterminé. Ça... Oui. La couche est pleine. Bon. Et puis donc, qu'est-ce qu'il disait? Oui, c'est parce que j'ai des verres de contact. Des verres de contact. Des lunettes. Mais pas de lunettes. Je dois mettre deux bouchons dans les yeux. Surtout dans l'œil gauche. L'œil droit, ça peut aller, mais il clignote plus rapidement que l'autre. Là. Si je mets pas... vous savez, il y a une petite couche, là, quand vous connaissez pas ça, le monde du contact, vous... Non, mais pas du contact comme ça, là, du contact, je veux dire, la lunette, ben, en fait, la même pas une lame, là. Vous, je sais que vous... Oui. D'accord. Rapidement. J'ai une tête. Vous me connaissez. Vous m'écoutez. C'est carré. Errance, c'est moi. Oui, des fois, l'émission dure 2h30. Oui. D'accord. J'avoue. Arrêtez de... Bon. Alors, là, c'est ça, le verre de contact. Si tu en mets juste d'un côté, ben, ce côté-là ferme avec une petite épaisseur, là. Puis l'autre, ben, a tendance à cligner plus vite. Fait que ça fait comme sling, sling, sling, sling. Ça suit pas l'autre, hein? Ça clapiche, clapoche. Ça clapiche, la clapoche. Ouais. C'est fring, fring, fring. Au lieu de faire fring, fring, fring, ça fait fring, fring, fring, fring, fring. Hein, les c'est un peu comme tes essuie-glaces, mon petit champ. Parce que moi, je connais les voitures, là. Mais on va arrêter de s'impressionner, là. Parce que moi, je sais que je suis très impressionnable. Mon intelligence, hein? Et également, moi, j'ai le sens de... Vous l'avez remarqué, je suis un orateur. Un orateur. Je parle en haut au peuple du bas. Je connais le mot. Le maudit fatigant, c'est moi, ça. Ah, non, mais vous êtes rapide, hein? Malgré vous avez une cellule cancérigène à travers toutes les... le houblon qui tourne en rond. Ça ne vaut pas la peine de regarder le houblon quand le seul petit boulon se noie dans la bière. Bon, attention! Ça peut être intéressant. Ça dépend. Quand vous êtes de bonne humeur, ça vous arrive sans doute, monsieur, là, à votre anniversaire, les deux premières minutes, après ça se gâche. Bon. Mais moi, écoutez, moi, j'haïs ça, les anniversaires. Moi, je ne veux même pas souligner les. J'ai qu'à. Gaétane! Elle dit 77. Mais, démêle-toi! Hé, hey, la mêlée, démêle-toi! 77, voyons donc, toi! Enlève 20, 77, 25, 25, 7, 5, 7, 20. Enlève 27! Ça a été long, hein? Non, mais c'est le calcul mental, man! Ça, le calcul mental, là, ça se calcule pas de même, là! Faut que c'est comme le côté oratorié! Il y a rien. Il faut que ça sorte. Quand ça sort pas, ben ça constipe. Puis quand ça constipe, ben ça bloque. Puis quand ça bloque, ben ça sort pas. Puis quand ça sort pas, ben ça ressemble à ça. Faut laisser couler la source. C'est beau, hein? C'est beau, mais c'est pas évident. Il y a des affaires de même là, qu'on peut lancer, là. Faire couler la source. Ah oui. Aimez-vous les uns les autres. Ah, hey! C'est-tu simple comme phrase, mais c'est-tu compliqué à mettre en pratique? C'est de mettre en pratique, hein? Tu vas voir ton médecin. T'es un gros. T'es un big man. Tu es une espèce de... Hein? Oui. Exact. T'es un sumo de la cigarette, oui, là. T'en fumes à la... Tu sais, t'en enchaînes, là. Tu fumes pas une à la fois, t'en fumes six, là. Là, t'as rendu avec la bouche un peu comme ma poupée gonflable, là, même, là. Mais là, il faut rentrer la nicotine, il faut que ça sorte par les oreilles. Hein, ça, c'est comme ça. Puis là, quand tu parles à ton patron, t'es rendu, hein, avoir un discours un peu, la bouche peut plus fermer autrement, là. On se demande si t'as pas eu une chire, ça sort le son aussi, hein, une chire aussi plastique. On se pose des questions. Comment ça, il a la bouche de même, lui? Il est-tu viré sur le bouchon? Il vire de même, eux autres, sur le bouchon, ça fume, ça m'a donné « où je suis, la Voie lactée, c'est des vierges. La Voie lactée, c'est nicotiné. Où est la scrap? Elle est de moi. » C'est ça, les fumeurs. Fait que là, à un moment donné, t'es un gros, un sumo de cigarette. Fait que t'en fumes six en même temps. Puis là, du jour au lendemain, pas le lendemain, ce jour-là, tu te réveilles, tu dis j'arrête. Arrêtez. Stop. Oh, encore. J'ai 20 ans, j'en suis à la fin ou au début. J'ai fumé toute ma vie, nicotine au goudron. Stop. Encore. Nicotine, jaune ou vert ou jaune fumée. Nicotine, la saucisse est-elle stimée ou bien fumée? Ah ben dans son cas, là, il commande son hot dog, là, c'est tellement un sumo. Lorsqu'il mange la dite saucisse, elle se fume elle-même dans la bedaine. Ça prouve que c'est un vrai, là. Lui, là, c'est 3-4 cartons par semaine. Quand ça va très bien. Sinon, ben, c'est un carton par jour. Puis là, il est rendu qu'il n'ouvre plus le paquet. L'enveloppe cadeau, là, il fume tout ça en même temps. Là. Il met ça en dessous d'une couverture. Puis, sa journée, il peut pas travailler. Il est incompatible au travail, lui, là. Comment t'es appelé comment ces gens-là? Les accrocheurs de la société. Les accrocheurs. Accrochés? Raccrocher, c'est une horreur. Oui. Madame? Madame? Madame? Madame, madame, madame. Est-ce que je peux vous faire un appel observer votre appel à travers le hublot, hein? Du vis. Mais il y en a, excusez-moi. Du vis. Madame, quand vous répondez au téléphone, êtes-vous au bout du filament de l'amour ou du filament de l'existence amoureuse? Madame, madame, madame! Hey, voyons donc le malade, toi là, comme toi! Vous vous tirez sur le piédestal, ma première phrase. Que le scandale arrive. Verrouille sa fièvre. Que le scandale arrive. Verrouille s'enflamme. Un autre. Oui. Elles y mordent avant même le croque-monsieur. Ah, ça, je l'aime, celle-là. Elles y mordent avant même le croque-monsieur. Hein? Yeah, les Cougar XL5, hein, les meilleurs. Ça, c'est les plus beaux modèles. Il s'en fait plus sur le marché. Le marché, on marche même plus là-dessus. Là. On glisse. On glisse vers l'incompréhension. T'arrives pour commander ta Cougar XL5. Ton vendeur, parce que c'est un vendeur, ça peut être sur Internet. Moi, je préfère les Internet parce que tu rencontres pas de monde. Moi, le monde, là, quand t'es rendu comme... Hein? Ben ouais, exact. Vous avez raison. Bon, on les laisse pour ce qu'ils... On est sur le même piédestal. Vous vous tirez sur le piédestal, madame? Oh, on revient avec la phrase. Hein? C'est ça, la concumité. Concu? En parlant de concu, votre mari, vous le voyez plus depuis 2 semaines, hein? Ouais? Ben, le petit dernier me l'a raconté, là. Il est rendu à 22 années d'incompréhension intellectuelle, lui. Ouais? Ben oui, hein. Ben voilà, pourquoi il frappe à ma porte un soir, puis il me dit, Elvis Presley est vivant, voulez-vous le rencontrer, monsieur Grenier? Premièrement, je ne suis pas monsieur Grenier. Un autre qui se trompe, là. Monsieur Gagné, moi, c'est Gagné. En plus, pas monsieur, c'est Rénal. Moi, monsieur, là, il n'y a pas de... Moi, mets-moi pas de titre, là. Je ne veux pas avoir de responsabilité là-dessus. Bon, déjà, là, être un Rénal, c'est quelque chose d'assez spatial. Moi, c'est pas spécial, c'est spatial. Et Gagné, ben, je cherche encore mes prix. Donc, il vient me dire, votre petit dernier, là, que le spatial vivant, voulez-vous le rencontrer? Je dis... Dean Martin, tu es dans le coin? Il dit, ah oui, mais c'est bizarre que vous me disiez ça, M. Grenier. Gagné, M. Gagné, Grenier, ils sont ensemble. Je les ai rencontrés au bar. Oh, là, j'ai tout compris. Là, j'ai dit, le petit dernier, c'était décroché au bar. Hein? Hey, avez-vous amené un petit morceau de bar? Ben oui, j'ai amené Elvis Presley, puis j'ai amené Dean Martin. Oh, mais Elvis, lui, c'est pas la garnotte qui... Oh, mais pour avaler la garnotte, faut avoir du liquide. Oh. Non, mais il avait l'air... Ouais. Il faisait pas de lien au départ, lui. Puis là, oh, pour voler la garnotte, il va voler du guide. Oh, bravo, bravo. Il va être bon pour s'inscrire au gouvernement provincial puis avoir un emploi à vie. Puis là, hey, wow, hey, non, mais il mérite bien ça. On va se séparer du Québec. Avec un grand champion de même, hey, on a de l'avenir. On a de l'avenir, on a de l'avenir, on a de l'avenir. Au Québec, on a de l'avenir. Au Québec, on a de l'avenir, on a de l'avenir, on a de l'avenir, on a de l'avenir, on a de l'avenir. Au Québec, on a de l'avenir, on a de l'avenir. On la voit venir, on la voit venir, on la voit venir, notre avenir au Québec. On la voit venir, on la voit venir, on la voit venir, on la voit venir, notre avenir au Québec. Elle s'en vient clampin, clampin, nous bino, bando, pile, pile, pile, Québec. Elle s'en vient, t'es potent, nos chansons, le potent, la vicale, le potent, le sympa. Québec, on l'aime comme elle vient avec les vins et le vin, les refrains, avec les riens et les riens sont toujours bons à rien. Rien ne sert de le dire. Ils peuvent même souffrir. Cela leur ferait du bien. Mais là, prends ton carnet, mais voyons, prends ton carnet, oui. Oh, on y va avec le carnet? On les voit venir. Oh, oh. On les voit venir. On les voit venir. On les voit venir. Oui, monsieur. Ouais, c'est pas comme je pense. Je croyais que ça allait finir grandiose. Avec des feux d'artifice, mais les artificiers ne sont pas là. Alors qu'on ne me tire pas sur le piédestal, s'il vous plaît. Elles y mordent avant même le croque-monsieur. On se voit dans le défoulement du spectacle. Oh! On se voit dans le défoulement du spectacle. Je répète pour les gens qui n'ont pas compris. Ah non, on a très bien saisi. Là. Ça, c'est pourquoi prolonger la souffrance. Si vous voulez, monsieur Grenier, procédez. Ben, on procède, on procède. Nous y allons. Heureux, heureux, heureux, heureux, ben heureux, comme des poissons dans l'eau. Comment ça? Hey, puis ça, c'est intéressant de savoir ça, là. Cette expression-là, heureux comme des poissons dans l'eau. Pourquoi on s'imagine que le poisson est heureux dans l'eau? Ouais, il suffit de le sortir 15 secondes. Rien d'autre, ouais. Tu vois pas que j'ai acheté un poisson qui souffre de comment t'appelles ça, donc de... Hey, j'avais un ami qui était comme ça, moi. Oh, il faisait des crises. D'épilepsie! Tirez pas que mon poisson souffre d'épilepsie. Frétille comme la jeune fille qui vient d'avoir 18 ans. Qui est belle, elle est belle, cet enfant. Et c'était l'été, évidemment, et nous attendions tous nos... non, j'allais dire nos Allemands pour faire rimer, mais c'est uniquement pour faire rimer. Elle mit de l'or dans ses cheveux, un peu plus de couleur sur ses babines. Ben, ça te fait bien, mais on dirait que t'es, c'est un tantinet de vulgarité à travers cette belle bouche qui ne demande, qui ne demande, oui, qui ne demande, qui ne demande qu'à se déboucher. Hé, hey, l'inconscient! Wow, reste collectif, groupé, groupé, Québec, Québec, séparation, oui! Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait celle-là. Hey. Excusez-le. Non, non, mais là, c'est, non, mais, Lynn sait à qui elle a affaire. Elle a affaire. Elle a une affaire à faire. Alors, nous apprenons que Lynn a une affaire à faire. Mais quelle affaire? Et qui est Lynn? Étrange. Voilà la structure Hitchcockienne. Hitchcockie, le coquet! OK. Envole-toi pas, toi, là. Reste calme. Respire par le museau. Puis fais évaluer ton poêle, parce que ça vaut cher sur eBay, cela là. Hey, c'est pas du poêle synthétique. C'est du poêle de faux. Du poêle de four, pas du four. Du poêle de, quoi que ça sorte du four. Ouais, c'est du poêle de four. Là, il y a une petite chanson là, qui va suivre là-dessus. Puis j'aime bien ça parce que ça a comme un petit... Ça a comme, tu sais, ça a comme, là. Comme disent les... Parce que moi, je veux devenir jeune. Je veux rencontrer des jeunes, communier avec les jeunes. Parce qu'on nous dit, les jeunes, c'est l'avenir. Bon. L'avenir de quoi, on le sait pas, mais l'avenir du... J'ai commencé à travailler, ça fait 5 minutes. Peux-tu aller fumer ma cigarette? Moi, c'est un sumo fumeur. Peux-tu aller fumer ma cigarette, moi, là? À quand ma pause café pour que j'aille prendre mon... Hein? Pardon? On ne peut dire rien, on doit dire pardon. Pardon? Pardonnez-moi, je ne sais pas ce que je... Ouais! Ma pause! Tu peux prendre ma pause? Pause! Syndicat! Pas de syndicat ici! Pas de syndicat! Non, pas de craté, ça! Pas d'argent, pas de syndicat! Travail à fin de semaine! Monte, descend des marches! Vite des vides, remplis des plis! Va chercher! Va chercher! Va chercher! Ben bon, va chercher! Va chercher quoi? On sait-tu? On sait pas, on est perdu, là. Là, on y va avec le lien. Le lien, c'est le lien. Un excellent livre. Je suis l'ami, l'ami des mouches, les seules femelles que je n'effarouche. Quand ça va mal, je frappe un chien, ça fait du bruit, ça fait du bien car je suis idiot. Oui, vraiment, idiot. Je suis un idiot, complètement idiot. Papa m'a dit idiot, maman m'a dit idiot, mon frère me dit idiot, ma soeur me dit idiot, mon chapeau me dit idiot, mon vélo me dit idiot. Avec ou sans Dostoïevski, idiot. Ce qui me plaît aussi dans les albums studio de mon ami Arthur que je rencontre dans quelques minutes, c'est les interludes, surtout dans son deuxième album, Arthur H et le Bashik Bozuk Ben. On va juste, pour se titiller l'oreille et s'intéresser à tout ça, le prélude numéro 1 qu'il nous offrait. Vous allez bien entendre qu'il y a quelque chose là-dessous. Ensuite, enchaînons avec le prélude numéro 2, sans Chopin, mais avec Arthur H. J'ai dit avec Arthur H. Quand je dis avec Arthur H, Raymond, tu payes sur le bouton jouer. Jouer! Non, c'est pas de la loterie, c'est mieux que ça, c'est Arthur. Thank you. Alors maintenant, tout le monde sait qu'après le prélude numéro 2, il y a prélude numéro 3. Vous voulez une preuve? Eh bien, la voici. C'est pas une prélude, ça, c'est une chanson. Ah oui, je sais pas la différence. Ah, ben voyons donc, ils disent prélude, eux autres. Bon, on va vérifier si c'est un prélude. Ah oui, ça peut être une prélude. Un prélude. Idiots, nous sommes tous des idiots. Idiots, idiots, idiots, idiots. Ça fait partie, mesdames et messieurs, d'une structure musicale mise en place par toujours Arthur et qui voulait sans doute nous préparer à cette petite chanson d'une minute et quelques. D'une minute qu'est-ce qui se passe avec ta... Je ne sais pas. Moi, là, quand j'ai ouvert le studio tout à l'heure, j'ai senti comme une vapeur monter vers l'extérieur. Puis moi, j'ai un si bémol assez vulgaire et j'ai senti que c'est un spectre. Donc, je crois que cette nuit, ce soir, l'émission est tentée. On tente de faire l'émission et puis ça se passe quand même passablement. Ça se passe passablement. Quand c'est passablement, c'est au moins... Oui, non, j'ai une fuite. Passablement. Alors, Arthur, avec ça, voulait nous préparer à sa chanson « Idiot ». Qui n'était pas après ce prélude numéro 3, mais plutôt après la chanson Éléonore et Léonard. Mais là, ça intéresse tout un peuple. Et voici le dernier prélude, et non le moindre, du premier album de Bashi Bouzouk Ben. Et là, je n'ai pas dit le premier album d'Arthur H, parce qu'il y en a fait un avant. Celui-là. Et allons-y. Avec, comme je vous l'ai dit, restons calmes. C'est ici. Interlude numéro 4 de Monsieur Arthur Higelin. Et ça m'a fait quelque chose. Elle te prend dans mes bras, elle me parle de toi, et j'ai la vie en rose. Elle est entrée dans mon cœur, elle me parle de bonheur, et ça c'est la corde. Les toilettes, les water closets. S'il te plaît, les water, les classes, les closettes. Oh, elle est entrée dans mon cœur. Et dans un temps de bonheur, un temps, les closettes, les water, et le temps, il y a un temps de, d'amour. D'amour. D'amour. D'amour. Président. Un deux, Roger. Monsieur le Président, messieurs les pas trop catholiques et cathodiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante Errance Reynaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia? À la lune, oh! Oui, monsieur, grand succès. Aujourd'hui, le vendredi, oh, enfin, oh, oui. Ma chaise craque, mon cou craque, ma craque craque, ma craque. Aujourd'hui, le vendredi, 16 décembre. Ça, c'est dans mes grandeurs, 16, moi. Là. Hey, je me sens à l'aise dans le 16. Là. C'est comme le chanteur 16, là. Donc, c'est 16. S-E-A-E-S. Un garçon très, très sombre. 16. Mais là, c'est Arthur. Aujourd'hui, le vendredi 16 décembre 2016, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plus de routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et j'ai monté le son pour le côté intimiste. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, au lever ou au coucher. Pas de verre d'eau. Il faut s'étouffer parce que ça fond. Lorsqu'on sécrète, ça crée exactement. C'est de la sève humaine qui descend dans le fond de la gorlotte, qui vient parler au corps. C'est important de parler au corps. Arthur H. lui parle au corps, à l'esprit, à tous nos membres de CKRL. Arthur est né le 27 mars 1967, non c'est 66, même année que moi, à Paris. C'est un musicien et un chanteur français par ailleurs, peintre et illustrateur. Il est le fils du chanteur Jacques Higelin. Et le demi-frère de Ken Higelin et d'Izia Higelin, chanteuse qui a un succès depuis quelques années. Rapidement, Arthur Higelin a étudié au collège de Boston. Boston. Rien à voir avec le restaurant. Arthur H., avec sa voix grave, facilement reconnaissable, associé à un répertoire jazz, rock et électro, compose de nombreux albums en solo ou bien avec le Bashik Bouzouk Band, ça c'est à l'époque. Ce soir, nous vous proposons le dernier volet et nous devrons malheureusement, après, à 2 heures, les refermer, les volets, pour laisser la place la semaine prochaine. Aux compositeurs, artistes, comédiens, Boris Bergman, qui a composé la majorité de l'œuvre de Bachung dans une certaine année, une certaine époque. Il a joué dans un film de mon ami Denis Arcand, Jésus de Montréal. Il était très heureux de se retrouver au micro de Reynald Gagné de CKRL et de parler aux Québécois et Québécoises. Mais pour ce soir, concentrons-nous avec ce grand, grand, grand monsieur. Pas prétentieux, tout à fait abordable, Arthur H. Et tout s'allume. Loin des passions comme une brume, elle m'enveloppe dans son halo. Comme une salope et son idiot, sans image et sans bruit, que c'est beau une télé. Comme une clarté, que c'est beau, que c'est beau une télé. Sans images et sans bruit, que c'est beau une télé. Comme une clarté, que c'est beau, que c'est beau une télé. Sans images et sans bruit, que c'est beau une télé. Comme une clarté, que c'est beau, que c'est beau. Devant l'écran, je me sens mieux. J'ai tout le temps, c'est lumineux. Aucune image, mais de la neige. C'est mon dopage, quel privilège. Pas un seul son, plus aucun bruit. Un ultrason, mon parapluie. Et sans bruit, que c'est beau une télé. Comme une clarté, que c'est beau, que c'est beau une télé. Sans image et sans bruit, que c'est beau une télé. Comme une clarté, que c'est beau, que c'est beau une télé. Sans image et sans bruit, que c'est beau une télé. Comme une clarté, que c'est beau, que c'est beau une télé. c'est beau une télé. Comme une clarté que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. De ta carcasse, je secoue ta sagesse, ta savante mollesse, apathique animal, l'amour pour faire le bien peut faire le mal. Ouais, je vais t'apprendre sous les coups de mes cons, les dents délicates sous les coups de mes cons. Ouais, je vais t'apprendre sous les coups de mes cons, les dents délicates pour faire l'acrobate, car tu es un lionne. Je suis un éléphant, je danse comme un sauvage, la danse des éléphants. Tu es une lionne, je suis un éléphant, je danse comme un sauvage, la danse des éléphants. Tu es une lionne, je suis un éléphant, je danse comme un sauvage, la danse des éléphants. Tu es une lionne, je suis un éléphant, je danse comme un sauvage, la danse des éléphants. Tu es une lionne, je suis un éléphant, je danse comme un sauvage, la danse des éléphants. Tu es une lionne, je suis un éléphant, je danse comme un sauvage, la danse des éléphants. Do do do do. Robert est aveugle de naissance, ça c'est pas de chance. Depuis le début, avec sa canne blanche, il traîne dans les pattes de son frangin, lequel n'hésite pas à jouer de ses poings quand on se moque des lunettes noires. Il emmène aussi traîner dans les bars, jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux complètement noirs. Grand frère travaille dans un garage, il astique les Porsche et les Jaguars. Tout ce qui file, tout ce qui fonce, c'est sa défonce. Il a passé le virus à Robert, qui reconnaît tous les modèles à l'oreille. Le petit n'a qu'une chose dans la tête, être au volant d'une de ses machines, au bruit de tempête. Hey, Jack, Jack, je t'en supplie, écoute-moi. Jack, Jack, et juste le tour du patelin. Jack, dans ma vie, y'a vraiment plus rien. Un peu de lumière pour ton petit frère. Ok, Robert, ok, ok. Ce soir, rendez-vous au Black Bar, tu paieras ta tournée aux copains. Mon Robert, je te promets la fin de tes déboires, de tes chagrins. J'emmènerai la clé de là où tu sais, et dans l'ombre j'irai chercher celle que tu désires et qui t'attend. La déesse au cœur noir et au volant d'argent. Oh Robert, avec précaution tu la caresseras, avec émotion ma voix te guidera. Dans les méandres de ton obscurité, avec douceur, tu vas t'envoler. C'est bon, Jack, Jack, comment est cette caisse? Est-ce qu'elle est belle? Et Jack, qu'est-ce que tu dis de ça? J'ai des frissons, je me sens pousser des ailes. Ah. Oh, vas-y doucement, Robert, c'est bon, calme-toi, t'es con, accélère pas. Jésus rend la vue à mon frère, mais après donne-lui des cours de conduite. C'est un bon chrétien, mais il a pris une bonne cuite. Et pitié Jésus, c'est la chair de ma chair, le sang de mon sang, enfin bref, c'est mon frère. Alors vas-y, te fais pas prier, un bon miracle, je te le revaudrai. Hey, j'ai un tas de fric, tout est bien planqué, un gros chèque pour le curé. Oh Jésus, donne-lui la lumière et la paix sur terre, et finis le bordel, finis la bouteille. Amen. Sirène des flics qu'on entend. Jack, Jack, mais parle, qu'est-ce qui se passe? Robert, appuie sur le champignon, accélère, sinon on est mort. Choc, clash, la barrière est tordue. Choc, clash, la carrosserie. Les deux frangins sortent en courant de la voiture. Ils s'éparpillent dans la nature. Inutile de dire que Robert n'est pas allé très loin. Cosmique, mystique, avec aussi beaucoup d'humour comique aussi. Beaucoup d'improvisation aussi. Beaucoup d'improvisation, énormément. Même quand on a fait le Magic Mirror au départ, à la fin, on avait un énorme sablier qui durait quand même genre 3 minutes et tout le groupe devait faire une impro différente chaque soir, tu vois. Alors, y compris le batteur, le trompettiste, y compris l'ingénieur du son qui devait balancer des trucs. Donc, c'était vraiment, on avait de la culture de l'improvisation. Ouais. Et c'était le plaisir de se jeter à l'eau, de se laisser emporter par la transe aussi. La transe est très importante dans ton genre musical. La transe, c'est le moment où tu t'oublies complètement, où tu es complètement dans la musique. C'est-à-dire que tu peux. Et tout est. À la fois, tout est répétitif. Et tout est neuf en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, tu es dans une espèce de gros truc qui tourne, qui te prend, tu ne peux pas lutter contre. Parce que c'est la musique qui est devenue plus forte que toi. Tu suis le mouvement. Et en même temps, dans ce mouvement-là, tu peux tout inventer en direct, en fait. Donc c'est ça. Ouais, c'est quelque chose effectivement que je cherche toujours maintenant très très fort, c'est ce truc que tu réfléchis plus du tout, t'es vraiment totalement et de manière très pure dans l'action, au cœur de l'action. Dans ton dernier disque, tu fais travailler, tu amènes une voix plus aiguë. Je t'ai entendu dire sur France Inter que tu appropriais la voix féminine en toi, avec les aigus assez exceptionnels, des envolées étonnants, puisqu'on ne t'a jamais entendu chanter comme ça, à part dans ce dernier album. Si, non, en fait, en vrai, je chante comme ça. Ça fait quand même longtemps que je tente des... Tu montes dans les aigus, comme ça. Ouais. Sauf que là, c'est plus réussi, tu vois, et plus assumé. Mais en fait, à la base, je suis quand même un mauvais chanteur. Qui a envie de... C'est-à-dire que je chante pas bien, mais j'ai une voix. C'est-à-dire que je raconte des... Ça marche quand même, je raconte des histoires. Mais comme beaucoup de chanteurs français, je chante vraiment pas bien. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bon, ma voix, c'est... Je veux être très bien chanté, en fait. Donc j'expérimente tout. Et maintenant, j'arrive à peu près à être libre avec ma voix. C'est-à-dire qu'hier, j'ai fait du Prince, et je l'ai bien fait, tu vois, j'ai fait un truc... En fait, j'ai fait un truc plus rock que funk, okay. Mais je peux faire un truc funk aussi, mais plus rock. Avant, là, chez vous, j'ai fait Gainsbourg, on a fait Melly Nelson, oui. Oui. Qui est quand même en entier avec l'orchestre symphonique, qui est quand même un défi vocal aussi. Exceptionnel. Et avant, j'ai fait un hommage à Beko aussi, qui est aussi vraiment une voix. J'ai participé à un hommage à Beko, chanter du Beko. Enfin, maintenant, je peux faire tout ça et ça passe, c'est-à-dire que ma voix est souple. Okay. En fait, je peux chanter très fort, je peux chanter aigu, je peux dire de la poésie. Voilà, c'est un outil. Alors, qui c'est est... un instrument que tu t'es accaparé et que tu maîtrises de plus en plus avec l'âge. De plus en plus. Voilà, ma voix est libre et donc je peux aussi avoir une voix très féminine aussi. Je peux chanter très rock, mais je peux. Et pourquoi l'as... En fait, pourquoi se limiter? À un moment, je me dis pourquoi je me limiterais, vu qu'à un moment, je ne sais pas chanter. À un moment, il faudra que je sache tout faire, en fait, tout faire, ce qui est voilà, un peu un délire, mais en fait... Qui est fou, mais qui est extraordinaire comme, d'essayer voilà, comme de la vie, est, la vie est un délire, de toute manière, pourquoi pas se permettre, voilà, en être conscient, l'assumer, et puis se permettre d'avoir des rêves fous aussi, que, qu'on va, éventuellement, on peut réussir, on peut vivre, quoi, on peut vivre ses rêves, et même les rêves les plus fous... Veux-tu me dire, parce que je veux aussi en parler un peu, tu disais, toujours sur France Inter, que Brigitte Fontaine était aussi peut-être une deuxième maman. En tout cas, Brigitte, c'est une maman artistique. Mm-hmm. C'est une maman artistique. Heureusement, c'est pas une maman de... une comme une vraie maman, parce que je sais pas si ça serait une vraie bonne maman. Une maman underground. Ou plutôt, enfin, elle te donnerait, elle mettrait du champagne dans le biberon, oui, quoi. Ben oui. Champagne pour tous. Mais c'est vrai que je la connais depuis que je suis né, parce que l'année de ma naissance, ils ont monté une pièce, donc elle m'a vu littéralement naître. Et elle a toujours eu ce regard très, très tendre sur moi, puis moi sur elle. Vous avez repris Je t'aime, moi non plus. Ouais, on a fait plein de trucs ensemble, et puis dernièrement, justement, France Inter m'avait confié une émission, puis j'étais l'interviewé. Oui, j'ai écouté. Et je vous invite tous à écouter ça, parce que c'est un très très bel interview, quoi. Ça s'appelle Carte blanche à Arthur H. Sur France Inter, on peut toujours le trouver. En balado-diffusion. Ouais, voilà. Et Brigitte, ouais, c'est une grande écriture, c'est une grande poétesse contemporaine, à la fois très classique et très futuriste, très très mystique, très sensuelle, très déconnante, très tout en fait. Elle est très... Unique. Ouais. Est-ce que tu la rencontres encore aujourd'hui ou c'est de moins en moins? Oui, bien sûr, je vais la voir de temps en temps. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'à chaque fois que tu écoutes ces disques, elle te fascine ou tu dis elle s'est rendue encore plus loin? Brigitte, elle est beaucoup dans l'écriture aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a toujours été dans une forme de difficulté pour sortir les disques et tout ça. Donc là, c'est en plus avec la crise du disque, pour ce genre d'artiste, elle est encore plus dure, quoi. La crise du disque, elle est pas dure pour les grandes stars. Non. Mais pour les poètes, elle est dure, quoi. Les gens de Degrand. Parce que Brigitte, avant, elle avait une économie et tout ça, puis elle pouvait s'en sortir. Maintenant, voilà, pour elle, c'est difficile de sortir des disques, mais elle sort beaucoup de livres, par contre. Oui, c'est vrai. Elle écrit tout le temps. Elle est... c'est une pitié, quoi. C'est une pitié, c'est-à-dire qu'elle est... Voilà, c'est une prêtresse grecque. Elle est toujours connectée, toujours reliée. Elle peut écrire tout le temps. C'est une femme puissante. Et toi, depuis que tu as des enfants, crois-tu ou est-ce que tu remarques que tu composes ou que tu écris autrement? Ou les enfants n'ont rien à voir là-dedans? Les enfants, évidemment, te transforment et te font mûrir, bien sûr. Te responsabilisent aussi, donc... ils t'enrichissent énormément. Donc ils n'influencent pas directement l'écriture, mais comme ils te changent toi-même, forcément qu'après, quand t'écris, t'es plus le même. Quand tu réécoutes les premiers albums, on en parlait, Cool Jazz, est-ce que tu réécoutes tes anciens, les anciens disques ou tu... Non, je ne les réécoute pas. Pourquoi? Non. Bah, parce trop que... plein de défauts t'es... Oui, déjà c'est... Parfois, j'entends des disques par hasard, et ça m'est arrivé avec Négresse Blanche ou pour Madame X, et je me dis, ah putain, mais c'est des super disques, je les écoute parce que je suis chez quelqu'un, tout d'un coup il y a ce disque là qui tourne, et je me dis, ah putain, c'est vachement bien, quoi. En général, c'est ce que je me dis pas, c'est complètement raté. Mais c'est vrai que je peux déjà entendre que les défauts, et puis en plus, qu'on est artiste, seule notre création future nous intéresse, quoi. Le passé nous... Alors là, je me suis retourné vers le passé parce qu'ils m'ont demandé de sortir en intégrale. Mais j'ai pas réécouté les disques, j'ai réécouté que les inédits, que ce qui n'était pas encore sorti, que ce qui pouvait être transformé, que ce qui était oublié. Donc j'ai fait vraiment un travail d'archéologie sonore, mais les disques, je les ai pas réécoutés, parce que le seul m'intéresse, le futur, ce qui en devenir, quoi. Ce que je peux transformer, ce qui peut me transformer, la matière vivante. Mais est-ce que tes premières chansons, tu as eu le goût de les reprendre? Tu voyais qu'il y avait quelque chose là-dedans que tu pouvais remettre au goût du jour? Ouais, parfois, quand je fais des pianos solos ou quand on monte les tournées, c'est vrai qu'il y a des chansons qui surnagent, que j'ai toujours envie de faire, comme Le Chercheur d'or. Puis il y a des chansons qui sont oubliées, qui traînent un peu. Il y a des chansons qui sont pas loin, comme Lily Dell, par exemple. Où là, tout d'un coup, j'ai ressorti Je rêve de toi aussi, du premier disque. Et La Lune, qui était des... Non, La Lune. Ah, la Lune. Oh, mon petit cœur, qu'est-ce que j'ai pu faire? Ah, La Lune. C'est là que je l'ai ressorti de la dernière tournée. Mais ça, c'est le premier album. Ça. C'est le premier album, et j'ai ressorti deux chansons du premier album. Et voilà, il y a des chansons que tu rattrapes, il y a des chansons qui sont complètement englouties dans les profondeurs. Et que je rattraperai sûrement jamais, et puis d'autres qui vont réapparaître. Comment tu te sens lorsque tu entends tes chansons chantées par d'autres? Mais ça m'arrive rarement, et puis déjà d'une part, et puis d'autre part, c'est plutôt agréable, parce que j'aimerais que ça m'arrive plus fréquemment, parce que c'est agréable quand une chanson ne t'appartient plus, et de toute façon... Les chansons ne m'appartiennent plus, elles appartiennent à ceux qui les écoutent. Ouais. Les papous se nouent, on s'en fout de tout ça. Si les choses brillent pour nous pauvres pêcheurs. Le vaisseau spatial, c'est nous les oiseaux du pondeur. L'alma, la belle alma, Anouche cavale sur la steppe en flamme. Sur la mer rouge, s'en fout de tout, s'incide, vécheuse, prière pour nous pauvres pêcheurs de toile, naufrageurs de vaisseaux spatiaux. Tiens-nous les oives du pondeur, l'alma la belle. S'en fout de tout, s'incite, fait chose, priez pour nous pauvres pêcheurs. Suis-moi, ça ne fait que commencer. Écoute les bruits de la fête, les basses, les rires, les baisers. Oh, je suis le carnaval, ton idiot, ton fatal. Toi, tu es la cannibale, mon Brésil, ma papaye. Abandonne, give me a day. Laisse couler, give me a. Laisse monter, give me a. Sans résister, j'ai rempli d'eau de mer la piscine. Pour mon Titanic et mes sardines, les narvals, les filles nues. Oh mon amour, la fête continue. Oh, le jardin du pavillon, je le change en forêt primitive, pour que les voisins du lotissement plus jamais ne retrouvent leur maison. Give me a. Abandonne, give me a. Laisse couler, give me a. Laisse monter, give me a. Sans résister, give me a. Abandonne, give me a. Laisse couler, give me a. Laisse monter, give me a. Sans résister, la la la. Ma coquine, ma divine, à l'aube tu enfiles ton costume de rossignol de Chine, et le soleil se lève pour t'adorer. Oh, après le câlin du matin, je te donne ton lait de lionne, puis je ferai le pouls de ta crinière comme personne. Give me. Abandonne, give me a day. Laisse couler, give me a. Laisse monter, give me a. Sans résister, give me a. Abandonne, give. Laisse couler. Laisse monter. Sans résister. Abandonne. Laisse couler. Oh, laisse monter. Sans résister. Énergie. Énergie. écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagnon. Ça nous amène. Si tu étais un liquide? Ben, très modestement, je serais l'océan. Oh, okay. Je serais une goutte d'eau dans l'océan. Si tu étais une ville? J'hésite entre Lagos ou Shanghai. Une espèce de grosse ville bordélique et qui n'est pas encore ordonnée comme les villes occidentales qui ont été nettoyées, qui ont été aseptisées, qui sont filmées avec des caméras partout, avec la police qui sait qu'on traverse de travers. Je pense que Lagos et Shanghai, c'est encore des villes secrètes où on peut se perdre. Donc je serais Lagos ou Shanghai. Ok. Si tu étais une langue? Le russe, je pense que c'est la langue la plus émotionnelle et la plus chantante. C'est la langue qui va le plus bas et le plus haut dans les fréquences. Guitare-voix, quand c'est du russe, c'est toujours exceptionnel. Vysotsky, je serais du russe. Ouais. Si tu étais un mot... Euh, vide. Je serais le vide. Choisis la facilité parce que le vide est partout en fait. Chez les bouddhistes tibétains, voilà, t'as les éléments, l'eau, la lumière, le feu, la terre, l'air, et puis après t'as le vide. Il y a du vide partout. En fait, le vide constitue toute la matière. Donc voilà, je serais un espèce de vide mystique qui me permettrait d'être partout et nulle part. C'était une époque. C'était une époque. Je serais le futur l'assistant du capitaine Picard dans Star Trek, dans The Next Generation. Ok. C'est pourquoi ? Parce que je suis un des rares Français qui est un vrai Trekkies. Okay. Je suis un spécialiste de Star Trek. Ah ouais, oui. Je sais que c'est très très stupide, mais j'adore Star Trek. Et quand, Même les nouveaux ? Bah, en fait, au départ, j'étais parti du vieux, comme ouais. Tout le monde, et après, j'ai découvert Next Generation et Deep Space Nine aussi, ouais. Qui sont vachement bien, il y a des très très belles histoires. Et quand je suis déprimé ou très fatigué, il faut que je regarde du Star Trek et ça me remet à niveau. Ouais. Si tu étais un aliment. Un aliment. Je serais la pomme de terre, parce que la pomme de terre, c'est con, c'est simple, mais c'est frais, c'est la terre. Et, à un moment, j'ai eu des problèmes d'acidité et on m'a conseillé du jus de pomme de terre cru. Et en fait, c'était délicieux. Au début, bon, c'est un peu bizarre. Et quand tu prends des très bonnes pommes de terre bio, et là, t'as toute vraiment l'innocence de la patate, tu vois, la fraîcheur ultime de la terre, en fait. C'est comme un être très pur et très innocent et d'une fraîcheur extrême et très très nourrissant, quoi. La patate, c'est ça pour moi. La patate, c'est con et en même temps, c'est extraordinaire et ça peut te sauver de la famine aussi. On est loin de la poutine. Ouais, la poutine, bon, y a des très bonnes poutines. Il y a des poutines un peu plus consistantes. Oui, oui, oui. Est-ce que tu es un bio ? Est-ce que tu es un gars qui mange bio, qui boit bio, qui... Bah, en fait, moi j'aime la qualité, en fait, et j'aime pas être manipulé. J'aime l'indépendance. Et la nourriture industrielle est conçue pour te manipuler. Ouais. Pour te manipuler et aussi t'empoisonner. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie pas trop, en fait. Un adoctrinement aussi. Voilà, c'est aussi la très très mauvaise qualité, ça vibre très très bas, donc bon, parfois on n'a pas le choix de bouffer de la nourriture industrielle. Et puis il y a un certain type de nourriture bio où les gens qui l'ont fait ont mis de la conscience dedans, et de l'amour aussi, et ça tu le sens dans les légumes, et ça te nourrit, quoi. Donc ouais, je suis un bioman, bien sûr. Mais es-tu végétarien Non, enfin je mange beaucoup moins de viande. J'ai arrêté de manger du cochon. Ok, pourquoi ? Parce que le cochon est un animal très intelligent, aussi intelligent que le chien. C'est vrai. Et très sensible. Et c'est terrible ce qu'on fait au cochon. Le cochon souffre de manière abominable. On les torture psychologiquement. Parce que c'est comme un chien, en fait. Un chien, c'est un être émotionnel, en fait, un chien, quoi. Et le cochon est un être émotionnel. Donc, par exemple, le poisson a des émotions, mais beaucoup moins, et beaucoup moins développées. Alors que le cochon, il ressent toute la souffrance, quoi. Et c'est engrammé dans sa peau, en fait. Et en plus, évidemment que quand on ressent la souffrance, on développe toutes sortes de maladies aussi, évidemment. Donc, ils sont ultra traités avec des médicaments. Donc quand tu manges du cochon, il faut savoir que tu bouffes de la souffrance et des médicaments, tu vois. Donc c'est pas bon. Hein. C'est moi, je vous conseille fortement d'arrêter de manger du cochon, quoi. Ok, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, non, mais t'as raison. C'est vrai. Conseil du docteur H. Si tu étais, mais pourquoi pas. Si tu étais une saison. Le printemps. Je serais le printemps parce que je trouve que le mois de mai. C'est le mois le plus délicieux de l'année, c'est le mois de la renaissance de la nature. La nature est fraîche, elle est immaculée, elle est neuve, elle resplendit, elle est d'une vitalité éternelle, quoi, ahurissante, sublime, voilà, tout renaît, donc le mois de mai. Si tu étais un membre corporel? Un membre corporel... le sexe masculin, parce que voilà, c'est un être fragile, mais extrêmement sensible. Il est très très sensible, peut-être vraiment, enfin chez l'homme en tout cas, enfin le mâle, chez le mâle, c'est vraiment le membre le plus sensitif, quoi, la peau la plus sensible. Donc voilà, je frémirais perpétuellement de plaisir, de désir. Ou pas d'ailleurs, je pourrais aussi rester très très calme dans ma caverne, dans ma grotte. Séparés, oui mais... temps, on dit d'un homme qui ne doit pas pleurer, qui doit être résistant, qui doit cacher ses émotions à une certaine période. Hein, dans les années 70, les hommes étaient les pourvoyeurs, les gens qui... L'homme ramenait la nourriture, ramenait l'argent, donc... La difficulté et l'intérêt aussi d'aujourd'hui, je trouve, c'est d'être tout, en fait. Et pour les hommes et les femmes, c'est-à-dire que tu peux être un homme très viril et très protecteur, dans le sens ancien du terme, et en même temps aussi être une femme aussi, et pleurer de plaisir, et être très très intuitif, et tu peux être une femme, et tu peux être très très solide, très masculine, et aussi très féminine, en fait. On est en train de construire un nouvel être où on se permet d'être tout, en fait. D'être toutes nos capacités virtuelles. Ouais. Et c'est très difficile, parce qu'évidemment que... est-ce que tu peux être très viril, en même temps très féminin? Est-ce que tu vas pas perdre ta virilité? Si t'es très féminin, est-ce que tu vas pas être un peu... en tant que mec, un peu inconsistant? Je pense qu'on... Aujourd'hui, on développe tous nos aspects, et hommes et femmes, on se rend compte sous plein d'aspects différents, et c'est plus du tout, la rencontre peut être très très diverse et très riche, et on peut échanger les rôles constamment, en fait. Et si tu étais maman de la journée? Je serais entre chien et loup. Okay. C'est une lumière qui me stimule énormément quand il y a encore de la lumière, juste avant que le soleil baisse, quoi, quand il y a cette capacité à un moment de lumière un peu surnaturelle. Je trouve ça très excitant, en fait, pour la peau. C'est comme si la peau était excitée par la lumière. Si tu étais un autre individu? Si j'étais un autre individu, quelqu'un qui existe vraiment? Ou inventé? Je pourrais être plein d'autres individus. Hein. Je trouve que chaque expérience est potentiellement intéressante. Je sais pas ce que je pourrais être. Je pourrais être n'importe qui, en fait, en vrai. Tout le monde ou personne. Je sais pas du tout. Ou un arbre. C'est pareil, c'est comme ce qu'on disait entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que... notre conscience humaine doit évoluer, c'est-à-dire qu'on doit se mettre à la place à un moment du cochon qui souffre. On doit être aussi un cochon heureux, on doit être aussi un arbre, on doit être aussi la musique, on doit avoir une identité totalement multiple, en fait, et en même temps avoir aussi une identité forte. C'est-à-dire, c'est un défi, hein. C'est un défi pour la conscience, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La perte des repères est absolument terrible, et en même temps hyper stimulante et extrêmement nécessaire à l'élargissement de la conscience humaine, tu vois. Donc faut savoir qu'on vit un moment chaotique mais important dans des nouvelles possibilités d'être, quoi. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Non, il y a des erreurs que j'aurais aimé ne pas commettre. Non, humainement, j'ai passé beaucoup de temps à me prendre la tête. Et j'aurais aimé arriver à arrêter de me prendre la tête avant. Ah ouais. Ce qui apparemment n'a pas été possible. Lâcher prise au fur et à mesure. Maintenant, ça va, j'ai quand même... lâcher prise sur les gros dossiers, mais j'aurais aimé lâcher prise un peu avant. Mais c'est ce qui fait que tu es rendu là aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ouais, donc, c'est sûr. Oui. Ça a été un très bon choix en même temps. Bah oui. Involontairement, bien sûr, inconsciemment. Mais oui, apparemment, il y a une partie de nous qui a besoin de souffrir pour apprendre. Ah oui, c'est bien triste, mais oui, c'est comme c'est ça. Oui. Mais Arthur, merci d'avoir passé à CKRL. Puis merci beaucoup. On se revoit à Québec, hein? Ouais. Parfait, ben merci. Merci. Excellent, merci. Ouais, ça fait longtemps qu'on essayait de se croiser. Puis je t'ai croisé à un moment donné, est-ce qu'on dit les abeilles? Ouais. OK, parce qu'on m'a repris plusieurs fois. J'ai reçu un courriel parce que je nomme souvent la rue des abeilles, puis on me dit que ça se prononce pas comme ça. Les abeilles? Ouais. Est-ce que ça se prononce comme ça? Ah, bébé, abaisse. Les abaisses, ouais. Des abaisses, ok, j'ai raison de l'appeler comme pourquoi? Ça. Pourquoi? Ils disent quoi, les gens? Ben, on me dit que ça se prononce pas comme ça. Ça se prononce comment? Ah, je sais pas. Les abeisses, moi j'ai toujours dit les abeisses. Ben voilà, ouais, j'ai raison. Il n'y a pas de... Abyss. Ah. Voilà, Abyss, ça c'est un film. Les abeilles, oui. ABY2S. Est-ce que je peux prendre une photo pour, ouais. Pour l'émission? Ok. Tu veux... Oh, n'importe où, c'est pas grave. Avec lunettes ou pas de lunettes? Avec tous les deux, ouais. Ok? Ok. Bien, oh, attends. Ouais. Ah, voilà. Excellent. C'est avec le phare, le flash, non? Oui. Pas beau, non? Ah, ben oui. Oh, oui. Ok. Dernière. Une avant-dernière, ok? Une dernière, ok? Si. Vas-y, regarde, parce qu'à mon avis, ça va pas okay. être... Ah ouais? Impossible de... Bon, t'as pas... Tu penses que ça sera pas bon? Je sais pas, on va. On dit que je peux pas vérifier ma photo. Non, mais c'est pas grave, c'est qu'il y a une promotion. En plus, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Impossible de démarrer. Je dis que je peux pas vérifier l'image. C'est rentré dans le. Mais tu veux que j'enlève le flash, ça me dérange pas. À mon avis, ça sent pas beau tout ça. Ok, on va l'enlever. Ouais, c'est bon, attends. Allez, ok. Excellent. Merci. Ben, je peux pas vérifier, je sais pas, regarde, on me dit. Actuellement, impossible. Okay, bon, je sais pas. Pas grave. Merci. Très gentil, enfin, on s'est rencontrés. Ouais. Salut, Anna. Merci, salut. Puis, j'espère que tu vas venir à Québec. Bah, en fait, là, je suis beaucoup allé dessus parce que je suis allé en avril, j'ai fait un truc à la SAC, là, sur oui. les arts technologiques. Oui, oui. Et puis là, j'ai fait le Gainsbourg, là. Oui. Je vais revenir pour l'Or des Roses, pour de la poésie, mais je sais pas quand. À Québec? À Québec, peut-être à Québec, je sais pas. Mais le Dauteuil, ça a été exceptionnel pour, ouais. pour ces rencontres-là. Ouais. Merci. Hein. Puis c'est moi qui m'occupe de payer. OK. Merci, mon ami. À bientôt. Merci, bye. Thank you. qui aimait les risques. Ses grands yeux noirs brillaient comme des opales. Son regard rêveur avait une lueur fatale. Fait dans la vigne avec une passion, la trompette et le cool jazz. Quand mal s'attaque, ça lui donne des frissons et des appréhensions. Fred avait longtemps cherché un instrument avant pour faire comme les grands. Un soir très tard, il a déniché dans un bric-à-brac une trompette à trois sous en cuivre argenté. Yeah, yeah, yeah. Devient patraque, il pisse le sang, il fait monter la fièvre. Il cherche un phrasé vraiment cool comme Kenny Durham ou Clifford Brown. Ça commence à poser un problème. Downtown car Fred partage son appartement avec Rose, sa compagne du moment. Il l'aime bien, il l'aime tendrement, mais Rose, elle n'aime pas vraiment le cool jazz. Quand Rose, tous les soirs, rentre du travail, qu'elle se sente bien ou qu'elle se sente mal, elle entre dans la salle de bain et se fait couler un grand bain. Elle les aime très chauds et pleins de mousse, et quand elle a bien frotté ce joli frimousse, elle sort du bain, elle se sèche et coiffe sa longue chevelure rousse. La salle de bain est fermée à double tour, car Fred a besoin de réverbération pour se donner l'illusion d'un gros son. La pauvre Rose n'en peut plus, elle frappe, elle tape, elle cogne, il s'emporte, elle insulte cette pauvre porte qui reste comme morte sous ses coups, car Fred n'entend plus rien du tout si ce n'est le son cristallin de son instrument dans la salle de bain. Thank you. trouver un son pur, un son parfait. Sur la grille d'un beginning to see the light, s'est approché du perfect delight. C'est ce moment précis que Rose a choisi, plein de furie et d'hystérie, pour frapper la porte de toutes ses forces en hurlant comme une folle. Je te très fort sa trompette de l'autre. Il a ouvert la porte, elle a juste dit que le diable t'emporte. Tout s'est passé à toute vitesse. Il a frappé, elle s'est écroulée. La trompette par terre était toute tordue. La fête s'est effondrée, il avait tout perdu. Toute une semaine, il est resté prostré pendant que Rose se décomposait. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.